bien sûr. Je le savais. Eureka. Glisser sur la vague et se fondre avec elle, tel est le sens du mot He'enalu, l'ancêtre hawaïen de ce qui est devenu un sport de masse, le surf. De l'archipel perdu dans le Pacifique aux côtes californiennes, puis aux rivages houleux du monde entier, le surf est devenu en 2 siècles un symbole, celui d'un sport en harmonie avec les éléments et celui d'une culture globale. C'est donc dans l'histoire d'une vague sportive et culturelle que nous allons plonger aujourd'hui. Surf, l'éternel été, c'est notre programme océanique pour l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour parler de cette histoire du surf, nous avons le plaisir d'être en studio avec Jérémy Lemarié. Bonjour. Bonjour Antoine Beauchamp. Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'université de Reims Champagne-Ardennes et auteur du livre Surf, une histoire de la glisse, de la première vague aux Beach Boys, publié chez Arquet Éditions. Nous avons également le plaisir d'être en ligne avec Alain Gardinier. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'histoire du surf et vous êtes l'auteur de Surf Culture plus qu'un sport, un art de vivre et de Tonton Surfeur, aux origines du surf français, tous deux parus aux éditions Atlantica. Alors, sans plus attendre, on va se plonger dans le grand bain de cette histoire du surf. Et pour ce faire, je vous propose de retourner aux origines de cette pratique. Nous partons en direction d'Hawaï avec un extrait de la série documentaire de Raphaël Kraft, Le surf, une vague mondiale. Kumai, kumai, kaale nui mai, kaiki mai, kaipo nui lave mai, kaipo iki waihuaku. Hoa'e, hoa'e, lunei kapo hue hue, kaipo mai lave mai, kaipo iki waiho mai. Que les vagues déferlent, qu'elles se dressent vers la liane Pauwewe. Apportez les grands vents de la calebasse, laissez les faibles vents de côté. Qu'ils se lèvent les grands brisants du lointain Kaiki. Que les vagues déferlent, qu'elles se dressent vers la liane Pauwewe, bien haute, la mer déchaînée. Qu'elles se lèvent, les grandes vagues du lointain Kaï. Apportez les vents de la calebasse, que les petits vents soient mis à part. Qu'ils aillent vers la liane Pauwewe. Apportez les vents de la calebasse, laissez les faibles vents de côté. Voilà la prière au dieu du vent, une prière hawaïenne. Jérémy Lemarié, j'aimerais qu'on démarre en posant le décor et en décrivant un petit peu ces paysages de l'archipel hawaïen où, semble-t-il, est né l'ancêtre du surf. Est-ce que vous pourriez nous décrire ces îles les plus importants, ces rivages? Oui, bien sûr. Alors, l'archipel d'Hawaï a une situation géographique assez unique puisqu'elle se situe à peu près à mi-distance entre les Amériques et l'Asie. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que Hawaï obtient assez rapidement la réputation du carrefour de l'océan Pacifique, voire de l'étoile du Pacifique. Vous êtes dans l'hémisphère nord, proche de l'équateur. Et sa situation géographique fait que Hawaï est en capacité de recevoir des houles venant du sud, notamment l'été, et des houles venant de l'hémisphère nord l'hiver. Et comme ce sont des îles volcaniques, c'est-à-dire qu'elles ont émergé de l'océan Pacifique à partir d'un volcan, on appelle ça un point chaud, eh bien ces îles n'ont pas ce qu'on appelle de plateau continental, faisant que lorsque la houle déferle en direction d'Hawaï, quelle que soit sa direction, eh bien elle n'est pas freinée et donc arrive de manière relativement abrupte sur les côtes de l'archipel. Alain Gardinier, ça c'est pour le décor géographique, pour le décor culturel. Je crois que c'est assez compliqué de déterminer à quelle époque exactement est apparu l'ancêtre du surf à Hawaï parce qu'il y a une absence de culture écrite. Oui, mais en même temps, vous savez, un peu tout le monde se bataille sur ce sujet-là. Les Tahitiens vont dire que ce sont eux. C'est polynésien. À la base, c'est polynésien. Donc, ça vient de toutes ces îles, de ces îles Hawaï. On saura jamais exactement. Mais il est clair que les premiers témoignages, les premiers écrits, les premières gravures viennent d'Hawaï. Donc, on peut se dire, OK, ça part de là, puisqu'on a au moins une preuve. Et moi, je marche avec ça en tant que journaliste. Je trouve que les preuves sont importantes. Et celles-là, les premières datent de 1778, avec des écrits, avec des gravures, avec des témoignages. Mmh. Donc, on sait que ça vient au moins que déjà Hawaï est le berceau de est un des berceaux, sinon moi je pense que c'est le berceau de ce sport. Alors décrivons un petit peu ce berceau, Jérémy Lemarié, d'un point de vue socio-culturel. Comment s'organise la société hawaïenne qui a inventé le surf? Alors, tout d'abord, je voulais rejoindre ce que disait Alain Gardinier. C'est vrai, il a tout à fait raison. Il y a un débat sur les origines du surf. Par exemple, donc il a cité les Tahitiens, il y a aussi les Péruviens qui se veulent à l'origine du surf avec du surf sur des sortes de pirogues en bambou qui s'appellent des caballitos. Et effectivement, Alain Gardinier a tout à fait raison. C'est que à Hawaï, c'est à ce moment-là, enfin surtout sur cet archipel, que l'on voit la pratique du surf comme étant la plus développée. Alors, elle est développée parce que, et pour répondre à votre question, elle va répondre strictement et se conformer strictement au système politico-religieux d'Hawaï. Alors, lorsque l'Occident découvre Hawaï, c'est par le capitaine Cook notamment en 1778, eh bien, on découvre une société déjà qui est divisée puisque Hawaï est un archipel composé de 8 îles. Et sur ces 8 îles, il y a 4 royaumes qui fonctionnent à peu près comme fonctionnerait l'Europe médiévale. C'est-à-dire que vous avez une société hiérarchisée en castes avec une noblesse qui est relativement restreinte. D'ailleurs, qui est assez divisée en elle-même. Il y a 9 rangs de nobilité. Et puis, ensuite, vous avez ce qu'on appellerait des citoyens ou des roturiers. Ce sont des Maka'ainana. Et donc, on fonctionne typiquement sur un système médiéval avec des seigneurs qui ont à charge eh bien, de faire vivre et de protéger les citoyens sur leur terre. Les roturiers, quant à eux, s'occupent des récoltes notamment et du travail agricole et font remonter une partie de leur production aux seigneurs. Alors, comment s'articule cette société-là autour de la pratique du He'enalu, l'ancêtre du surf ? Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que, enfin, c'est pas la société qui s'articule autour du surf, c'est plutôt le surf qui va s'adapter à cette société, exactement, de cette société de classe. Alors, faut savoir que cette société, donc, de caste, va donner des droits, des privilèges, et aussi des interdictions aux uns et aux autres. Et voilà pourquoi on peut dire que la pratique du surf était la plus développée à Hawaï, c'est parce qu'il y avait un surf extrêmement codifié qui allait répondre à ce que l'on appelle le système des tabous hawaïens. Donc, pour vous donner un exemple concret, un citoyen n'allait pas avoir les mêmes planches de surf qu'un monarque. Concrètement, un citoyen, on lui réservait plutôt des planches relativement courtes. Alors, courtes pour des Hawaïens, mais pour nous, aujourd'hui, ça peut être des planches longues. C'est des planches soit sous forme, ce qu'on appelle des boogie boards de 50 cm de long, voire des short boards d'1,50 m, voire 1,70 m, qu'on appelait paipo et alaya, et qui étaient essentiellement faits à partir de bois très courants, comme l'acacia coa ou encore le houlou, qui est l'arbre à pain. Alors que la royauté, elle, se réservait l'usage exclusif des bois les plus nobles, et notamment ce qu'on appelle le vili-vili, qui est un bois endémique d'Hawaï et qui était aussi utilisé pour la confection de pirogues. Et ce bois avait notamment la capacité d'être beaucoup plus dense, et surtout, eh bien, d'avoir des arbres beaucoup plus grands. Les planches les plus grandes qu'on a pu récupérer de cette royauté vont jusqu'à 5,30 m de hauteur. Donc, imaginez-vous, avec un poids allant dépassant largement les 100 kilos. Et en fait, l'idée, c'est que ces planches avaient pour objectif de surfer le plus longtemps possible. C'est-à-dire que, notamment, la royauté se distinguait des citoyens par sa capacité à surfer le plus longtemps et surtout à surfer une vague avant qu'elle déferle, c'est-à-dire l'attraper quand elle est encore sous forme de houle, glisser sur l'écume et enfin terminer la glisse en allant marcher sur le sable, en sautant de la planche sur le sable. Ça, c'est la prouesse de glisse la plus honorable à Hawaï et bien évidemment, la noblesse en faisait un privilège. Mmh. Est-ce qu'on a une idée du poids de ces premières planches ? Alors, comme je vous disais, à peu près les planches donc de cette élite allaient facilement au-delà de 50 kilos. On était déjà sur du 80, 100, voire 120 kilos, à tel point que pour aller au large, on n'allait pas, comme aujourd'hui on pourrait le faire, ramer. Hein. On mettait en fait ces planches sur une pirogue. C'est beaucoup plus facile de l'emmener au large par une pirogue. Et après, les intendants royaux restaient dans la pirogue, tandis que les reines et les rois, eux, prenaient leurs vagues. Tandis que des paipo ou des alaya étaient beaucoup plus légers, aussi beaucoup plus fine. Généralement, elle faisait entre 8 et 15 kilos pour les plus lourdes d'entre elles. On comprend donc bien que la première pratique du surf, c'était une pratique sociale, qui avait une fonction sociale, qui avait une fonction de démonstration. On en arrive à présent à l'arrivée des premiers Européens dans cet archipel hawaïen, avec un nom, celui de James Cook, qui aborde Hawaï en 1778. Je vous propose d'écouter un extrait de son journal, encore une fois tiré de la série documentaire de Raphaël Kraft, Surf, une vague mondiale. Lorsque, par un temps orageux ou par une très grosse houle, l'impétuosité du ressac est parvenue au dernier degré, les Hawaïens profitent du moment pour goûter les plaisirs de ce jeu, dont voici les détails. Une vingtaine ou une trentaine d'indigènes prennent chacun une longue planche étroite arrondie aux extrémités et ils partent ensemble de la côte. Ils plongent par-dessous la première vague qu'ils rencontrent, se laissant ensuite rouler par cette vague, ils réapparaissent au-delà et ils se hâtent de nager afin de se porter plus en avant dans la haute mer. Quand, après ces efforts multipliés, ils sont parvenus au-delà du ressac, ils trouvent la mer plus tranquille. Ils se placent enfin sur leur planche et ils se disposent à regagner le rivage. Le ressac étant composé de vagues, dont la troisième, toujours plus grosse que les deux premières, s'avance plus loin que les deux autres, qui se brisent dans l'espace intermédiaire. Leur premier objectif est de se placer au sommet de la plus haute déferlante, à partir de laquelle ils sont propulsés avec une rapidité extraordinaire vers la grève. L'audace et l'adresse avec laquelle nous les avons vus s'adonner à ces manœuvres difficiles et dangereuses étaient tout à fait étonnantes et rarement observées. Voilà pour l'un des tout premiers témoignages écrits autour de la pratique du surf, une réaction Alain Gardinier à cet extrait du journal du capitaine Cook. Mais d'abord, je pense que le capitaine Cook était loin de penser que son patronyme rendrait bientôt des boîtes de sardines. Il ne s'attendait pas. Mais il a été embroché par les Hawaïens qui lui ont coupé la tête. C'est vrai que c'était une première description. Mais moi, ce qui m'a frappé dans mes recherches à l'époque, c'est la description en 1819. C'était en français. C'était le vice-amiral Alfonso de Pello. Et lui, il était parti pendant 3 ans autour du globe avec l'explorateur Louis de Freycinet. Et eux, donc, sont arrivés en 1819 à Hawaï. Et je me souviens qu'ils racontaient tout par le menu. C'est-à-dire qu'eux ont réussi à un petit peu de donner confiance aux Hawaïens, contrairement à Cook, hein, qui était un sale bonhomme. Et ils ont réussi à vivre avec eux. Ils sont partis avec le chef Kalinimoku, qui était le premier ministre d'un roi, qui s'appelait Kamehameha, qui est le plus connu. Et puis, ils sont restés là-bas. Et puis, il y avait aussi Jacques Arago, qui était un illustrateur. Et Arago avait dessiné plein de moments de vie. Donc, moi, c'est ce qui m'avait vraiment étonné. C'est-à-dire, évidemment, on parle du capitaine Cook et de ses capitaines et de tous les gens qui étaient avec lui parce que c'était les premiers. Mais moi, en 1819, je trouve que ça a été vraiment le moment le plus important. J'ai pu voir ces gravures à Hawaï, elles sont au Bishop Museum. Elles sont incroyables. Et on voit des planches de surf en 1819. Alors que Cook raconte, mais on ne distinguait pas vraiment une planche de surf. Donc effectivement, il y a eu pas mal de gens qui se sont succédés à l'époque. C'était les journalistes de l'époque, alors qu'ils n'avaient pas vocation à ça. Et en même temps, sur les bateaux, ils emmenaient toujours un illustrateur, graphiste. Ils emmenaient toujours un conteur, enfin quelqu'un qui allait écrire tout ça. Donc en fait, grâce à eux, on a ces documents. Et vraiment, les Français, oui, les Français, monsieur, ont été très importants dans cette découverte du surf. Et ils ont été les premiers vraiment à les raconter. Surtout qu'Edouard Yu, qui était l'autre illustrateur, est resté 14 ans là-bas. Donc en 14 ans, il a eu le temps vraiment de dessiner plein de choses. Et son livre s'appelle justement « 14 ans aux îles Sandwich ». Puisque le nom qu'a donné Sandwich du nom de son bon copain. Mm-hmm. Et ça, c'est un truc très, très intéressant à voir. Ils ont un exemplaire au Bishop Museum. Bon, c'est un peu loin, mais... il faut pouvoir faire les déplacements. Jérémy Lemarié sur... C'est un peu loin, mais je sais pas si Jérémy a pu le voir et si on peut le voir ailleurs. Moi, je l'avais vu au Bishop. J'ai aucune idée s'il est disponible... Alors, ça s'appelle 14 ans aux îles Sandwich et c'est incroyable, en fait. Jérémy Lemarié. Alors oui, effectivement, comme je me permets de te tutoyer, Alain, c'est vrai, comme toi, je l'avais vu au Bishop Museum, notamment, il est assez bien gardé par De Soto Brown, qui est l'historien du Bishop Museum. Et je pense que ce que tu soulignes là, c'est tout à fait correct. C'est-à-dire que la plupart de l'histoire du surf avait d'abord été rédigée en anglais, et notamment, y compris par les récits de James Cook, qui est un Britannique, et bien d'autres. Mais effectivement, on a un regard français qui est unique à Hawaï, et qui va davantage mettre l'accent... Eh bien sur les vertus curatives que peut avoir le surf et va avoir une attention plus particulière de la France sur ce qu'est le surf, l'intérêt à le concevoir comme étant une pratique à part entière qui ne doit pas être annihilée ou comment dirais-je abandonnée. Et à ce sujet, Alain Gardinier et aussi on pourrait peut-être citer Hervé Magnifica ont été pour moi les parmi les deux premiers, on pourrait dire chercheurs sur le surf, à avoir souligné cela. Et je pense qu'il est toujours bon de rappeler cette lecture française des îles Hawaï. Buddy ? Ouais, salut Brice. C'est toi Buddy ? Ouais, je t'ai vu là-bas. Dis donc, t'as pas vraiment été indomptable. Je me trouve pas d'excuses. Non, t'en as pas. Ah ouais. Mais au départ, c'est pas ma mère. Moi, j'aime bien quand c'est plus glacis. Arrête, Brice, t'as l'attitude, mais t'as pas ce qu'il faut. France Culture. Ça fait 20 ans que je me prends pour un surfeur. Eureka. Antoine Beauchamp. Je suis pas un surfeur, je suis un flotteur. Ouais, ça c'est vrai. Elle était facile, évidemment, Brice de Nice. Alors, on continue dans cette première, premier contact, dans ces premiers contacts avec, avec le surf. Après cette première rencontre, Hawaï devient un espace stratégique, Jérémy Lemarié, pour les expéditions marines qui se succèdent. Et la pratique du surf, dans le courant du 19e siècle, va avoir tendance à décliner. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Quelles sont ces raisons? Alors effectivement, il y a plusieurs raisons à ça. La plus évidente, c'est le déclin de la population hawaïenne elle-même. Le fait est que lorsque les Occidentaux sont arrivés sur l'archipel, malgré eux, ils ont importé aussi leurs maladies. On peut penser à la variole, à la rougeole, encore à la rubéole. Et en fait, étant donné que les Hawaïens vivaient en autarcie totale, en totale isolation, eh bien, n'avaient pas de système immunitaire pour leur permettre de guérir de ces maladies. Et en gros, suite à toute une succession de pandémies et aussi de guerres fratricides, hein, puisque, comme je vous le disais, il a fallu attendre un certain moment avant que tous les archipels soient unifiés en un empire, eh bien, là, en gros, la population hawaïenne décline de 90% entre 1778 et le premier recensement sérieux de 1893. Par conséquent, moins d'Hawaïens, moins de surf, c'est logique. Ensuite, il y a aussi une interdiction relative des missionnaires. Donc, c'est vrai que, comme disait Alain, 1819 est une année charnière pour plusieurs raisons, et une d'entre elles, c'est l'arrivée des missionnaires calvinistes, donc qui nous viennent de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. Et ces missionnaires étaient assez connus pour leur rigueur et ont tenté au maximum d'interdire les pratiques hawaïennes. Donc on peut avoir par exemple la danse hula qui a été véhément combattue, le surf bien évidemment, enfin le e'enalu comme il se dit à l'époque. Alors les missionnaires n'avaient pas de pouvoir direct hein, pour dicter des lois, mais ont influencé grandement la royauté hawaïenne pour que celle-ci se conforme aux normes occidentales et plus particulièrement aux normes protestantes. Donc ça va continuer à contribuer à décourager la pratique du surf. Ce qui était intéressant de voir, et toujours avec cette littérature française, c'est que justement, les Français, malgré cette interdiction relative et ce déclin, vont continuer à s'essayer en surf. On va voir certains Français qui vont s'essayer à surfer à Waikiki en 1840, par exemple. On va avoir même vous connaissez très bien Mark Twain, donc qui va s'essayer aussi en 1866. Sans trop de succès, je crois. Voilà, c'est ça. Il boit la tasse. Exactement. Et enfin, une dernière chose à noter, et ça a été aussi une plus-value des Hawaïens eux-mêmes, c'est-à-dire que cette pratique étant relativement interdite, ou en tout cas largement proscrite, eh ben les Hawaïens vont continuer de la pratiquer, mais dans l'ombre, pour en fait faire perdurer leur tradition. Et ça, ils vont l'écrire. Mais ils vont pas l'écrire en anglais ni en français. Ils vont bien évidemment l'écrire en hawaïen. Et il faut alors lire l'hawaïen pour. Ce qui est votre cas. Voilà, c'est ça. Ça fait partie d'une de mes recherches dans mon travail de thèse. Ça a été d'apprendre l'hawaïen. D'ailleurs, je l'apprends toujours. Hein, je continue de prendre des cours parce qu'une langue, ça se pratique tout le temps, et surtout une langue étrangère. Et par conséquent, en lisant ces archives hawaïennes, et notamment en ayant l'aide de nombreux enseignants de l'université d'Hawaï, comme par exemple Keaone Smith, eh bien, on a pu redécouvrir finalement toute une littérature et surtout une activité du surf indigène tout au long du 19e siècle qui était soi-disant en disparition, alors qu'en fait, elle était pratiquée. Mmh. Et sauf que, eh bien, elle était faite dans l'ombre et était bien gardée justement de la vue des missionnaires. Alain Gardinier, sur cette question de la quasi-disparition de la pratique du surf et du surf comme pratique de résistance, entre guillemets. Non, mais Jérémy a tout à fait raison. Mais je crois quand même que la raison principale semble être quand même cette avancée des missionnaires, parce que je me souviens d'avoir discuté avec des gens qui sont pas de cette génération, mais Buffalo Keolana, c'est-à-dire oui. des personnages qui sont unanimement respectés là-bas, et quand on leur en posait la question, évidemment ils parlaient du déclin de la population qui était c'était une folie, hein, des milliers d'Hawaïens sont morts faute de vaccins, mm-hmm. c'est d'actualité, mais ils parlaient surtout de cette emprise des légionnaires sur les populations qui ont inculqué le catholicisme avec toutes ces barrières, avec tous ces empêchements. Donc effectivement, la population s'est pliée à ça, parce que c'était des blancs qui avaient le savoir, qui venaient de la terre. Donc il y a eu ce problème-là qui a été flagrant, et ça a duré des années. Il y avait quelques poches de résistance sur certaines îles. Il y en avait un Honolulu, mais que les missionnaires surveillaient comme l'eau sur le feu. Donc effectivement, ça a été quand même flagrant, quoi. Ça a été cette emprise, cette mainmise des curés, des missionnaires calvinistes sur la population. C'est heureusement en même temps qu'il y a eu tout d'un coup un genre d'impulsion, un genre de retour à ces traditions tribales qui quand même sont la base de la culture hawaïenne. Mais ils ne sont pas passés loin d'une quasi-extinction de cette pratique, je pense. Ce qui a contribué à la non-extinction de cette espèce, peut-être un peu plus tard dans le 19e siècle, Jérémy Lemarié, c'est l'émergence d'une forme de tourisme un petit peu embryonnaire. En tout cas, c'était des touristes entre très gros guillemets éclairés, des gens qui avaient les moyens de voyager aussi loin et qui se sont intéressés à cette pratique. Alors oui, finalement, alors c'est intéressant de voir, parce qu'aujourd'hui on parle du terme de tourisme. À l'époque, on se voulait pas touriste, on se voulait voyageur. Si vous voulez, voyageur, un côté plus respectable entre guillemets, puisque il ou elle souhaite s'adonner aux saveurs locales, donc manger à la hawaïenne, surfer à la hawaïenne, bien évidemment, et vivre à la hawaïenne. Et en fait, c'est vrai que ces premiers voyageurs, c'était des essayistes, des écrivains, des romanciers, parfois des poètes. On peut citer par exemple Herman Melville. Dans les années 1830, on a Charles Warren Stoddard dans les années 1860, ou encore on a aussi Louis Stevenson, dans les années 1880. Et à chaque fois, eh bien, c'est voyageurs qui arrivent avec les frégates commerciales la plupart du temps, eh bien, vont avoir un regard que je qualifie un regard romantique. Et c'est assez intéressant de lire généralement c'est leur récit, hein, qu'ils arrivent à transformer en ouvrage, souvent soit en nouvelle, soit en roman. Et de voir la manière dont ils décrivent le surf, le fait que ça fait largement écho à ce que l'on appellerait le sublime en Europe, c'est-à-dire la connexion avec la nature, l'antithèse de la raison, notamment la raison des lumières à cette époque. Et donc on va avoir un tourisme que j'ai appelé le tourisme romantique, où pour être ce vrai voyageur, il va falloir surfer, et il va falloir aussi décrire. Et c'est intéressant de voir, à l'époque il n'y avait pas de guide touristique comme aujourd'hui on a, par exemple vous connaissez bien le Lonely Planet ou encore le guide du Routard. Et bien en fait ces guides touristiques c'était eux, et il y a énormément, enfin dans tous leurs récits, et d'ailleurs ils se citent entre eux ou parfois ils se copient entre eux, et bien on voit en fait ces guides du tourisme rédigés par Stoddard, rédigés par Mark Twain, encore un autre à citer, qui vont être finalement la source d'un tourisme balnéaire à Hawaï. Alain Gardinier, parmi le développement de ce primotourisme puis de sa massification, il y a un événement qui va marquer l'histoire d'Hawaï, c'est son annexion totalement illégale par les États-Unis en 1893. Là, est-ce que ça crée une espèce de premier effet d'appel d'air vers ces îles, avec un premier tourisme de masse qui se développe, je le disais, est-ce que c'est là véritablement que le Heinalu devient le surf? Ben, c'est-à-dire ça y a contribué, dans le sens que tout d'un coup on a vu arriver ces gens dans des bateaux bateaux de croisière, qui sont venus un petit peu voir la culture locale. Pas à l'époque sans canailler trop, alors que maintenant, enfin ensuite dans les années 30 jusqu'aux années 80, Hawaï était synonyme de bar au bord de la plage, de fêtes, de musique. Ça s'est un peu calmé. Ils venaient déjà à la découverte. C'est vrai que Jérémy a raison. Ils se sentaient pas touristes, ils se sentaient voyageurs explorateurs. Donc déjà le bateau prenait 5-6 jours, donc il fallait rester là. Et ils ont tous voulu essayer le surf. Donc c'est vrai que tout d'un coup, c'est devenu un peu plus populaire. C'est revenu à la mode. Et là, effectivement, sur la plage de Waikiki, des jeunes locaux qui ramaient un petit peu, quoi. C'était difficile de vivre là-bas. Il y avait la culture de la canne à sucre, la culture de l'ananas, mais c'est tout. Il n'y avait pas grand-chose. On comprit qu'ils pouvaient gagner un petit peu d'argent en s'occupant de ces touristes. Donc c'est vrai qu'au début, ils les ont mis sur leur planche de surf, ils les ont mis sur leur pirogue, ils ont monnayé cette activité. Et puis aussi, ils ont fait des chapeaux de paille qu'ils ont tressés. Et ces fameux Beach Boys sont devenus très très importants. Et c'était aussi une figure touristique intéressante. Les gens à l'époque avec les tout premiers appareils photo revenaient avec ça. Donc effectivement, ça a contribué. Je pense que ce tourisme a contribué peut-être pas la renaissance, mais la résurgence du surf. Je pense qu'effectivement, pour une fois, les touristes ont servi à quelque chose. Jérémy Lemarié, c'est aussi à ce moment-là que se met en place la première organisation de l'histoire de surfeurs. Est-ce que ça, c'est un des points communs à tous les surfeurs, cet esprit de communauté dès le début? Alors, c'est intéressant parce que le modèle d'organisation finalement de surf a été calqué sur le modèle des sports anglo-saxons. Alors précisément, la plupart du temps, on va nous dire que la première organisation de surf au monde, c'est l'Outrigger Canoe Club, donc fondée en 1908. Et de plus en plus, lorsqu'on creuse les archives hawaïennes, on voit que finalement la toute première vient de 1893 précisément, c'est le Huipakakanalu, donc le club de surf en pirogue. Et comme disait Alain, il a tout à fait fait raison, c'était donc ces Beach Boys, c'est-à-dire des garçons de plage hawaïens qui inculquaient la natation, le surf en planche, mais aussi le surf en pirogue aux touristes. Et enfin, une autre organisation très connue, ce qui va être le Huinalu. On n'a pas de date officielle, mais entre guillemets, entre 1905-1908, qui elle aussi va s'organiser. Faut savoir que, et je pense qu'Alain a tout à fait raison là-dessus, c'est que on s'organise pas parce qu'on est surfeur et on va avoir un club. On s'organise parce que on veut monétiser une tradition autochtone. Et ça, c'était très important parce que, par exemple, le Huipakakanalu, certes, ce sont des Beach Boys qui vont inculquer le surf, mais ce sont, et notamment, c'est un certain Monsieur Dimon, qui est un homme d'affaires d'Honolulu, qui va présider cette organisation. Hein, pour ensuite, l'Outrigger Canoe Club, ça va être aide-moi Alain, son nom m'échappe. C'est tu te souviens plus? C'est pas très grave. C'est pas très grave. Mais voilà, en somme, ce sont des hommes d'affaires d'Honolulu et finalement, il y a quelque chose de très intéressant à garder à l'esprit, c'est qu'effectivement, Hawaï était largement dépendant de la canne à sucre et vendait tout ce sucre aux États-Unis, faisant que si les États-Unis voulaient changer leurs barrières douanières, eh bien, Hawaï en était très dépendant. Et pour gagner en autonomie, notamment en autonomie économique, eh bien, ces hommes d'affaires d'Honolulu vont développer le tourisme insulaire. Et bien évidemment, on va qui de mieux que des Hawaïens eux-mêmes pour inculquer les saveurs locales aux touristes. Alain Gardinier, on est d'accord qu'à cette époque-là, au tout début du XXe siècle, on ne parle pas encore du surf comme d'une pratique sportive, ça reste une pratique touristique folklorique. Oui, c'est ça, mais de toute façon, en fait, la compétition existait, comme Jérémy l'a expliqué, entre les rois, entre les divers rois qui, un petit peu, essayaient de se jauger sur la vague en prenant les plus grosses vagues, mais ça n'avait pas notion de compétition dans le sens auquel on l'entend, et puis ensuite, il a fallu bien longtemps pour que tout d'un coup, ça devienne un vrai sport avec tous ses codes, avec justement des joutes organisées, tout ça. Ça, c'est bien plus tard, c'est arrivé dans les années 60, début des années 60, parce que justement, les plans avait évolué. À l'époque, non, c'était vraiment pas ça. Oui, effectivement, c'était une curiosité. Moi, je comprends. On débarque de son bateau de San Francisco, de Los Angeles, et on voit ces types en train de glisser sur une planche. Ça devait être incroyable. Ensuite, le surf est arrivé en Californie en 1907, mais c'était dans un petit périmètre, de quelques kilomètres au-dessus de Los Angeles. Il n'y avait pas la diffusion qu'il y a maintenant. Donc, effectivement, les gens ne connaissaient pas ça. Oui. Et ça les a fascinés. Que ça soit Twain, que ça soit Jack London, que ça soit d'abord le public, mais ensuite ces gens-là, qui étaient des journalistes, des écrivains, qui l'ont raconté. Mais c'est leur fascination qu'ils ont raconté avant tout. J'aimerais bien justement qu'on évoque deux figures. Vous évoquiez Jack London, on va y venir, mais qu'on parle d'abord de Alexander Humeford, voilà, Jérémy Lemarié. Qui est-il et quel rôle a-t-il eu dans l'histoire du surf? Alors, bon, merci, du coup, vous avez retrouvé le nom de la personne que je cherchais. Pardon. Donc, c'est très bien. Non, Alexander Humeford, donc c'était un des fondateurs de l'Outrigger Canoe Club, qui était le club de surf le plus prestigieux. Alors, faut savoir qu'on est quand même sur un tourisme d'élite. Hein. En 1910, les estimations sont 2000 touristes à Waikiki, donc ça reste plutôt un marché de niche. Et Alexander Humeford va largement œuvrer pour pour promouvoir le surf. Il va par exemple fonder un magazine touristique qui s'appelle le Mid Pacific Magazine, dans lequel encore aujourd'hui on peut s'y plonger et retrouver les premières photos de surf. C'est par exemple dans le Mid Pacific Magazine que l'on va apprendre que Thomas Edison va tourner les premières bobines de surf à Waikiki en 1906, je crois. On a aussi les frères Pathé qui vont envoyer un représentant là-bas pour également tourner des images qu'on peut aussi retrouver sur Internet de surf dès 1911. Et donc Humeform va notamment contacter Jack London et, lorsqu'il se rend à Hawaï. Donc Jack London et sa femme Sherman se rendra à Hawaï notamment en 1907 et va l'encourager à apprendre le surf par l'intermédiaire d'un des meilleurs beach boys de l'époque qui est George Frith précisément. Et ce que disait Alain, George Frith va être envoyé notamment en Californie pour promouvoir le surf à Waikiki. Hein, il va partir donc d'Honolulu vers San Francisco avec des lettres de soutien de l'Office du tourisme d'Hawaï, de Alexander Humeform et aussi de Jack London. Et arrivé à San Francisco, il commence ses démonstrations et va plutôt s'arrêter donc dans les banlieues, nouvelles banlieues de Los Angeles qui sont encore des marécages. C'est Venice Beach, c'est Hermosa Beach, c'est Long Beach et Huntington Beach encore. Donc tout ce que l'on appellerait South Bay en Californie. Et finalement, George Frith va se rendre compte qu'il a mieux à faire ici. Il va pas revenir à Hawaï, il va rester en Californie pour être un des premiers à faire des démonstrations de surf et à devenir un sauveteur professionnel. Mais avant d'arriver sur les rivages californiens, j'aimerais, puisqu'on évoquait Jack London, vous faire entendre un extrait d'un de ses textes demeuré mythique dans l'histoire du surf, A Whale Sport. En écrivant ces lignes, je lève mes yeux et mon regard embrasse l'immense océan. Me voici dans l'île d'Oahu, sur la plage Waikiki. Au loin, dans le ciel d'azur, les nuages poussés par l'alizé flottent à la dérive sur le gris turquoise de la mer. À quelque distance, les vagues se teignent d'émeraude et de gris olivâtre. Autour des récifs, l'eau prend une nuance pourpre, ardoise, tachetée de rouge. Plus près de moi, des bandes vertes très vives alternent avec des brunes et laissent entrevoir des nappes de sable entre les bancs de corail vivants. Un ressac magnifique agite, avec un bruit de tonnerre, ses couleurs chatoyantes. Sur la crête blanche d'une lame surgit une forme noire, toute droite, homme-poisson ou dieu marin, poussée vers le rivage. Enfouie jusqu'aux reins dans la poussière des embruns, elle est reprise par les vagues et rejetée d'un seul coup vers la terre, à un quart de mille de là. C'est un canaque sur une planche de surf. Voilà pour ce texte de Jack London, Alain Gardinier. Est-ce qu'on peut dire que c'est ces gens de culture qui ont finalement eux aussi promu et contribué au grand succès du surf? Qu'est-ce qui, selon vous, a inspiré autant des écrivains aussi célèbres que Jack London dans ce surf? Non, mais c'est ça, c'était cette nouveauté, cette image incroyable. Mais Jack London a été très, très, très important, parce qu'à l'époque, c'était quand même quelqu'un de très, très connu. On se souvient de l'appel de la forêt, Loup des mers, Gros-Blanc. Donc, il avait vraiment une énorme audience à travers ses livres et à travers les articles qu'il écrivait dans ses fameuses revues mensuelles qu'on se distribuait un peu dans les cercles d'initiés. Et donc, il a écrit ça. Moi, je crois que son livre le plus important, c'était en 1907. C'était Royal Sport Surfing in Waikiki, où là, il va tout raconter. Il va raconter ce qu'il voit, ce qu'on vient d'entendre. Je me souviens qu'il disait, il parlait des chevaliers de l'impossible émergents, ruisselants, tels des demi-dieux, des monstres d'écume blanche. Ça frappe quelqu'un. Quelqu'un qui est au fin fond du Missouri, qui prend son café le matin, son journal, qui lit ça, ou son magazine, va être frappé. Il va se dire, mais c'est quoi? Donc, je pense qu'il l'a reçu comme quelque chose d'absolument incroyable. Il a su le transmettre, mais je pense qu'il a fait autant lui, Jack London. Il a fait autant pour la survie et la propagation du surf que, je sais pas, que George Clooney pour le café en dosette, quoi. Je veux dire, c'était énorme. Il a tout d'un coup, Jack London, tous les Américains qui respectaient ce type-là, qui respectaient ses écrits, qui connaissaient Gros-Blanc, qui connaissaient Louis Desmers, ont lu la prose de London, qui était fantastique. Il avait cette propension à exagérer les choses, à les rendre tellement visuelles. Je le trouve très, très, très, très important. Je pense que c'est vraiment que lui a été l'un des premiers qui a avec son talent, avec son écriture, un petit peu réussi à contrebalancer la puissance des religieux évangélistes, des protestants, des calvinistes. Ils sont tous allés prêcher leur propre chapelle un petit peu, et puis ils voulaient convertir ces beaux types, ces beaux athées bronzés à la parole de Dieu. Et je pense que ce qu'a fait Jack London a été une réaction à tout ça. Mmh. Ça a été un peu « laissons-les vivre en fait, laissons-les comme ils sont ». Et pour le coup, lui a pratiqué le surf avec plus de succès que Mark Twain. Jérémy Lemarié, on peut peut-être rappeler à quoi ressemblent les planches de surf en ce début du XXe siècle. Oui, donc ces planches de surf, elles ressemblent aux mêmes que on a pu découvrir datant des années 1200 ou encore 1300. C'est-à-dire que généralement les touristes vont apprendre à surfer alors sur des planches plutôt hollow pour le coup. C'était intéressant de voir que les Beach Boys se sont rapidement passionnés pour les planches de la royauté. Une fois, donc vous l'avez dit, Hawaï était annexé. Alors d'abord, la couronne était renversée en 1893, signifiant que le système de caste désormais n'existe plus. Puis ensuite annexé par les États-Unis 5 ans plus tard en 1898. Par conséquent, les interdictions liées à la possession d'une planche holo n'existent plus et ces Beach Boys se sont mis à récupérer les planches les plus prestigieuses. Et donc à aller surfer aussi, puisque en fait la qualité de la glisse, gardant à l'esprit que ce qui fait une glisse incroyable à Hawaï, c'est sa longueur, c'est-à-dire la distance que l'on va parcourir avec. Il est indéniable que ces planches holo, mesurant au moins 2,50 m, 3 m de long, sont plus faciles. Et c'est là-dessus que les touristes occidentaux vont apprendre à surfer. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir les premières images, c'est que ils vont le faire en tandem. Généralement, on ne va pas laisser un touriste seul. Alors, ça va être le cas si on le laisse sur un pipe pole, l'équivalent d'un boogie board. Mais généralement, quand on commence à voir vraiment le développement de ce tourisme dans les années 1920-30 avec 5000 voire 10 000 touristes par an, on va voir le développement chez les Beach Boys d'un surf en tandem sur ces planches-là, où généralement on va voir les touristes qui se tiennent devant la planche et les Beach Boys en arrière, comme sur une pirogue, la position d'un capitaine pour tourner la planche et manœuvrer dans l'écume. Restez avec nous parce que justement on va poursuivre dans un instant cette dérive du surf vers les plages californiennes. Sur la planche par la femme à 16h38 dans Eureka sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de l'invention du surf et de l'évolution de cette pratique en compagnie de Jérémy Lemarié, sociologue, maître de conférences à l'université de Reims-Champagne-Ardenne et auteur du livre Surf, une histoire de la glisse de la première vague aux Beach Boys publié chez Arquet Éditions. Nous sommes également en compagnie d'Alain Gardinier, journaliste et auteur de Surf Culture plus qu'un sport, un art de vivre, et de Tonton Surfeur aux origines du surf français. Alors tout à l'heure, Jérémy Lemarié, vous évoquiez l'une des grandes figures qui a exporté le surf sur les plages californiennes, c'est George Fries. Alain Gardinier, il y a une autre figure très importante, c'est la figure de Duke Kahanamoku. Qui était-il et en quoi lui a été l'un des pionniers du surf américain? Qu'est-ce qu'il a eu comme rôle clé dans cette importation du surf aux États-Unis? Effectivement, il était très très très important, ça a été quelqu'un de brillant, ça a été surtout un champion olympique de natation, de water polo, il était considéré tel un roi alors que c'était pas du tout, c'était un prolétaire. Je voulais juste revenir sur George Fries, parce que je trouvais que c'était intéressant. Bien sûr. Jérémy, En fait, ce qui s'est passé surtout, ça, tout ça vient d'un monsieur Huntington, mais Huntington qui a, à l'époque, créé une ligne de chemin de fer qui descendait au sud de Los Angeles, et c'est lui qui a fait venir George Freese en 1907 en disant, voilà, je vais faire de la publicité pour toutes les villes que je suis en train de construire le long de ma voie de chemin de fer, en particulier la célèbre Huntington Beach, qui est devenue un petit peu la capitale mondiale du surf. Mm-hmm. Et Freese est venu. Freese était il était fils d'une mère indigène hawaïenne et d'un père irlandais. Il est venu et c'est lui qui a commencé à faire les premières démonstrations, comme le disait Jérémy, à Venice, à Redondo Beach, à Santa Cruz, mais par le biais de ce fameux mania Huntington qui, lui, a vraiment voulu faire un coup publicitaire, en fait. C'était ça. Il a fait venir George Freese. Alors, évidemment, George Freese est un personnage très important du surf, mais moins que Duke Kanamoku, qui effectivement était le fils d'un brave type hawaïen. Il s'est appelé le Duke parce que effectivement il est né le jour de la visite du duc d'Édimbourg à Hawaï, donc il n'avait aucune ascendance nobiliaire, mais il a réussi à s'imposer dans ce domaine en étant un nageur incroyable, en étant un surfeur incroyable aussi. Et puis petit à petit, sa figure s'est imposée parce qu'il avait un aura, il avait quelque chose en plus. Ça a duré comme ça pendant des années. Il allait aux Jeux Olympiques, il en profitait pour emmener une planche de surf, comme par exemple en Australie où il a amené le surf en 1915, il était dans pas mal de pays, il a sur la côte est américaine aussi, et puis son aura s'est un petit peu délité parce qu'on pensait plus trop à lui, et puis dans les années 60, par le biais d'un drôle de personnage qui s'appelle Kimo McVeigh, qui était un genre de manager, agent, c'était un petit peu Lady Barclay des surfeurs, il a remis Duke Kanamoku sur le devant en se servant de son nom, en lui donnant quand même un petit pourcentage, mais en créant des produits, une station-service, des skates, toutes sortes de choses, des bars, et donc le Duke Kanamoku est revenu un peu dans l'actualité, et tout le monde s'est rendu compte de l'importance primordiale qu'il avait eue, de par son style de surf, de par sa façon de propager un petit peu tout ça. Donc c'est un personnage essentiel de l'histoire du surf, et d'ailleurs, quand on va à Waikiki Beach à Hawaï, on voit la statue du Duke Kanamoku, c'est la seule statue. Et alors, le paradoxe, c'est quand même qu'au lieu de regarder la mer, il regarde la route. Jérémy Lemarié, sur cette figure majeure de Duke Kanamoku, on se rend compte que ça tient à rien, finalement, l'exportation mondiale du surf. Alors oui, c'est vrai que ça tient à rien, mais je pense que, comme disait Alain, ça tient surtout à la personnalité de Duke. C'est-à-dire que Duke, il est aujourd'hui considéré comme le père fondateur du surf moderne, mais c'est vrai qu'il a diffusé le surf pas par l'intermédiaire du surf, comme en fait l'a fait George Freese, mais par l'intermédiaire de la natation. C'est comme Alain le soulignait, donc il s'est rendu dans de nombreuses Olympiades, notamment la première, c'est en 1912 à Stockholm, et se fait remarquer parce que à cette époque, il gagne le 100 mètres nage libre en battant le précédent record de 4 secondes, ce qui est énorme dans le sport olympique. Et il va continuer à reproduire ses exploits dans d'autres Olympiades, notamment à Anvers en Belgique en 1920, à Paris en 1924. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est en tant que nageur, Duke se doit, c'était la tradition à l'époque, ça se fait encore aujourd'hui, de parcourir le monde et de montrer ses prouesses sportives à d'autres organisations, notamment on appelait à l'époque des organisations athlétisme, qui étaient généralement omnisports. Et donc voilà pourquoi il s'est rendu par exemple en Australie, c'était avant tout pour des démonstrations de natation, mais à chaque fois, de par sa personnalité et surtout de son amour du surf, soit il a porté une planche avec lui, soit il a fabriqué sur place, soit il se débrouillait pour en trouver une. Par exemple, il y avait déjà des planches en Australie qui étaient assez rudimentaires de la part de voyageurs qui s'étaient rendus à Waikiki au début des années 1900 et qui avaient confectionné leurs propres planches. Et donc, ce qui était intéressant avec Duke, ça a été que, contrairement à Freese, qui lui est resté en Californie pour la plupart du temps, Duke a parcouru le monde. On a même une photo de Duke là, pas très loin de la maison de la radio, au bout de l'île Ossing, sur laquelle il est sur une péniche, d'ailleurs avec le maillot de bain de l'Outrigger Canoe Club, on a le logo sur le cœur, et parce qu'il faisait ses démonstrations de natation. Et à force de parcourir le monde, soit avec une planche, soit en la récupérant, et en faisant aussi des démonstrations de surf, il est considéré comme étant un des premiers diffuseurs de ce surf dans le monde, et surtout en Australie et aux États-Unis. Et pourtant, ce qui est très intéressant, c'est que dans les années 1930-1940, il y avait encore relativement peu d'adeptes, il y avait des compétitions, mais c'était encore un sport de niche. Alors, Alain Gardinier, qu'est-ce qui a permis la naissance du surf en tant que sport de masse? Est-ce que tout vient finalement de la production des planches? ça a été très important, mais c'est vrai que justement par rapport à la production des planches, ce qui est amusant, c'est que quand on raconte Duke Anamoku est arrivé en Australie en 1915 après et il est allé sur la plage et il a fabriqué sa propre planche. Il a dit emmenez-moi un tronc d'arbre et il a fabriqué sa propre planche parce qu'il n'y en avait pas. Donc c'est vrai que ensuite que certaines, ce qu'on appelle les shapers, que quelles personnes commencent à en faire non seulement pour eux mais pour leurs amis et qu'ils les mettent peut-être en vente, etc. Ça a commencé à un petit peu amorcer le système. Ça a pris beaucoup de temps. Les années 30, 40, 50, il y avait vraiment très, très, très peu de surfeurs, que ce soit à Hawaï ou en Californie. Mmh. Ça a vraiment démarré dans les années 60 avec les ateliers en Californie de Greg Knoll, de tous ces personnages-là qui, le long du Pacific Coast Highway entre Los Angeles et San Diego, montaient leur petite boutique et vendaient des planches de surf. Ça a vraiment démarré là. Et franchement, les compétitions ont démarré à cette époque-là. Ouais. Avant, il n'y en avait pas. Ça venait même pas l'idée, c'était plus qu'un sport, c'était un art de vivre. Les types ne voyaient pas pourquoi ils allaient s'affronter l'un contre l'autre, surtout sur une vague qui est quand même un espace mouvant où il est difficile de pouvoir donner des notes. Donc c'est venu après, c'est venu dans les années 60. Mais effectivement, sans planche, pas de surf. Donc, sans planche, pas de surf. Alors, parlons-en justement. Parlons de l'évolution de ces planches-là, si vous le voulez bien, Alain Gardinier. Qu'est-ce qui a évolué dans ces planches autour des années 60? Ça a été déjà le balsa qui était utilisé, mais qui était moins et moins. Tout d'un coup, les Californiens sont mis vraiment à utiliser le balsa, qui est évidemment beaucoup, beaucoup plus léger que tous les bois qu'on connaît, que Jérémy a cité tout à l'heure. Ces bois hawaïens qui sont lourds. Donc là, déjà, il y a eu ça. Il y a eu des planches creuses. Et puis, il y a eu, en même temps, après, il y a eu la découverte du polyuréthane, qui remplissait les planches, qui était recouvert de résine, qui sont à peu près, qui sont les planches qu'on voit maintenant, hein. C'est la majorité. C'est encore toujours ce système. Ça a pris du temps. Mais disons que, moi, j'ai parlé beaucoup avec Greg Knoll, qui vient de décéder. Greg est venu beaucoup de fois, que j'ai beaucoup interviewé. Greg était, lui, au début, ça a été un gros malin. C'était un type qui a compris tout de suite que le surf pouvait devenir quelque chose, qu'il y avait un enjeu commercial et qu'il pouvait en vivre. Il est parti à Hawaï faire des films. Il a fait plein de choses. Mais où il gagnait vraiment son argent, c'est en créant des planches, en les fabriquant. Et lui, ce qu'il voulait, c'est que ça soit léger, maniable, facile à réparer. Donc, effectivement, il s'est lancé dans le balsa. Et tout d'un coup, on passait de planches de 40 kilos à des planches de 5 kilos ou 10 kilos. La différence était absolument énorme. Donc, il y a eu toute une évolution des planches de surf. Ensuite, il y a eu le shortboard vers 1967-1968. Et ça n'arrête pas d'évoluer. Ça continue aujourd'hui avec le foil, etc. Donc, en fait, cet objet qui est basique, qui est normalement genre une planche de bois avec une dérive en dessous, peut partir dans toutes les directions. Et je pense que ça continue encore. Mais tout a démarré beaucoup plus en Californie qu'à Hawaï. Jérémy Lemarié, l'évolution de cette forme, de ce poids, de la planche de surf, quelles conséquences ça a eu sur le style en lui-même et sur la pratique? Ça a beaucoup changé, effectivement, la pratique. Alors, comme disait Alain, ce qui marque, finalement, l'histoire des planches, c'est l'innovation. Et ça a toujours été l'innovation, et en s'inspirant d'autres secteurs. Alors, si on remonte un peu dans le temps, on va avoir, notamment dans les années 1930, deux innovations majeures. La première, ça va être l'arrivée de ce qu'on appelle la planche creuse. Alain en a parlé, notamment par Tom Blake, qui a été très influent dans le développement de cette planche. Et l'innovation, en fait, venait de ne plus avoir une planche en bois massif, mais désormais creuse et plus précisément chambrée à la manière finalement d'une aile d'un avion. Et donc cela va rendre déjà la planche beaucoup plus légère. On va, au lieu d'être sur du 80-90 kilos, on va descendre sur du 40-50, qui va la rendre déjà plus accessible. On peut trimballer cette planche même si elle est lourde seule. Et puis, on va avoir l'introduction de la dérive aussi qui va se faire à ce moment-là. Il faut savoir que la dérive sur une planche, elle permet en fait de tourner, hein, finalement, comme le fait la dérive sur un bateau. Et avant cela, eh bien, le style de surf est différent. On tournait avec une planche de surf, mais la dérive, c'était le pied. Et notamment le pied arrière que l'on plantait dans l'eau, tout en étant debout sur la planche, pour pouvoir tourner à droite ou à gauche, en fonction de la direction où on voulait aller. Un autre aussi tournant important ou innovation, ça a été la manufacture en série de planches. Encore une fois, Tom Blake faisait ses planches de manière artisanale, alors que les Californiens, et notamment par l'intermédiaire de l'entreprise qui s'appelle Pacific System Homes, eh bien, a été la première à ce que l'on appelait la Waikiki Surfboard, c'est-à-dire une planche qui était non plus en bois massif, mais déjà, alors elle était aussi dense, hein, mais elle était composite. fait de bois plus léger comme le pin, qu'on allait allier avec le balsa, etc. Et ça a été la première planche fabriquée en grande série, et notamment les Waikiki, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la Waikiki Surfboard, les Waikiki Beach Boys, eh bien, l'ont adoptée à la fin 1930 comme étant la planche la plus répandue pour inculquer le surf à Hawaï. Alors on comprend bien que cette transformation physique du surf a contribué à sa démocratisation et à son exportation sur les littoraux du monde entier, pour peu qu'il y ait des vagues. En même temps que le surf se propage, Alain Gardinier, émerge ce qu'on va appeler la surf culture. Alors ça commence par quoi cette surf culture ? C'est difficile à dire, mais je pense que à la base, ça vient de quelque chose qui existait déjà, c'est-à-dire en fait les gravures que faisaient les Hawaïens en travaillant le bois, les dessinateurs de l'époque justement qui représentaient ces scènes de surf, et puis petit à petit, ça s'est développé parce que tout d'un coup, on s'est dit mais oui, mais moi pourquoi je dessinerais pas, pourquoi je ferais pas ça, pourquoi moi aussi, et puis il y en a d'autres qui se sont dit pourquoi ces dessins on les mettrait pas sur des chemises, ça va faire des chemises hawaïennes, et puis d'autres se sont dit mais effectivement c'est pas mal tout ça. Mais moi, je peux aussi créer à ma façon ce que je veux, c'est-à-dire effectivement des planches qui sont devenues carrément des œuvres d'art, et puis des affiches, et puis ensuite il y a eu les films, bien sûr, les films qui ont été la plupart ratés, la plupart c'était des bleuettes ridicules, mais qui ont aussi donné lieu à la création d'affiches incroyables, et puis il y a eu ensuite la musique, la surf music. Si on en revient au film, je vous interromps Alain Gardinier, si on en revient au film, il y a quand même aussi des documentaires comme Endless Summer par Bruce Brown en 1966. Quelle est l'importance de ce film-là pour la culture du surf justement ? Moi, j'ai consacré un livre d'ailleurs, qui était un gros gros livre. Je me suis passionné à le faire parce que j'ai appelé le réalisateur à l'époque, qui était encore Bruce, qui était encore vivant. J'ai eu plein de photos et tout. Et c'est là, en faisant ce livre, que je me suis rendu compte de la puissance de ce film. En même temps, ce film, il est un peu crétin, quoi. Il est pas, quand on le regarde, c'est quand même pas un chef-d'œuvre. Mais c'était incroyable. J'ai discuté avec des surfeurs très connus, des gens de nature, des gens comme ça, qui ont vu ce film et qui ont dit, mais on veut faire pareil, on veut s'en aller. Parce que qu'est-ce que racontait le film? C'était en fait la tribulation de deux jeunes Californiens qui partent, alors c'est moitié scénarisé, moitié documentaire, qui partent à travers le monde en quête de la vague idéale, en quête de l'été sans fin, comme le dit le titre. Et ça a donné envie à des milliers de jeunes de partir. Et c'est pas la peine, d'ailleurs, je vous parle de copains australiens, américains, mais moi j'ai des amis français, ils étaient un peu plus âgés que moi, c'est une autre génération, mais ils m'ont raconté qu'ils sont partis à cause de ce film. Tout d'un coup, ils voient deux mecs avec des planches de surf qui vont en Australie, à Tahiti, qui vont en Afrique, qui découvrent un nouveau monde, des nouvelles vagues, mais surtout des nouvelles cultures, un nouvel univers. Et ça fait péter les plombs à des milliers de jeunes. Et c'est justement, ça coïncide avec l'aventure hippie, parce que les surfeurs étaient des hippies avant l'heure. Donc on parle des hippies 67-68, mais de par Endless Summer, qui a été tourné en 64, qui est sorti en 65 et après en 66 dans le reste du monde, ça a été un truc incroyable. Moi j'ai l'affiche, là je vous parle, je suis dans mon bureau, j'ai quand même réussi de trouver l'affiche, je collectionne les affiches d'Endless Summer. C'est sorti en France en 66, ça s'appelait L'été sans fin, et c'était un extraordinaire exploit filmé pour la première fois et commenté par Roger Couder. C'était Roger Couder, le fameux reporter sportif qui commentait le rugby notamment, oui. Oui, oui, Roger Couder a fait la voix off, et donc j'ai retrouvé un extrait, on l'entend avec son accent chanté, la planche de surf, c'est très rigolo. Donc effectivement, ça a été, le Endless Summer a été incroyable, incroyable. Mais Endless Summer venait en réaction de plein de films un peu idiots faits par Hollywood, genre Bikini Party, comment séduire avec une planche de surf, etc., qui eux étaient vraiment... c'était des bluettes faites par Hollywood. Et donc Bruce Bond a réagi et a fait un véritable documentaire qui est devenu le maître étalon de la culture surf. Mmh. Jérémy Lemarier, sur cet aspect culturel du surf qui est déterminant et sur ce mariage avec la contre-culture dans les années 1960. Ok, alors comme disait Alain, c'est difficile de définir la surf culture. Alors c'est difficile parce qu'il y a amalgame. Et je pense que en interrogeant la plupart des personnes influentes du monde du surf, comme par exemple Fernando Aguirre, qui est le président de la Fédération Internationale de Surf, ou encore Doug Paladini, le président de Vans, j'aurais posé cette même question finalement. C'est quoi le côté culturel du surf? C'est quoi la surf culture? Et finalement, en croisant tout ce qu'ils ont dit, j'en suis venu à la conclusion que surf culture, c'est un mot valise, et ça veut dire plein de choses. Et surtout, c'est à distinguer de deux autres choses, qui sont d'abord ce qu'on appelle la beach culture. Et la beach culture, c'est ce que l'on appelle donc cette culture de plage qui va prendre tout ce qui appartient à la plage. Donc le surf, le parasol, le bikini, le terrain à aller, etc. Ça, c'est la première chose. La beach culture qui est la plus large. Ensuite, si on réduit la focale, on a ce qu'on appelle la pop surf culture, la surf culture populaire. Et donc, ce sont un peu tous ces navets que met en avant Alain, c'est-à-dire ces productions hollywoodiennes, hein, un peu aussi des studios comme Sony Pictures, qui va produire Gidget. Eh bien, c'est une vulgarisation de ce qu'est le surf, c'est-à-dire un surf que l'on va rendre accessible au grand public, puisqu'on est encore sur un marché de niche, malgré tout, dans les années 1950, quand cela se met à être commercialisé. Et dans la musique, si on pense aux Beach Boys, c'est pareil, les Beach Boys, ils apparaissent quasiment tous sur leur couverture avec une planche de surf, mais aucun s'est réellement surfé. Dennis Wilson, voilà, le batteur. Voilà, le batteur, mais 1/4, donc ça, il reste quand même minoritaire. Et donc, enfin, on a ce qu'on pourrait appeler la surf culture, c'est-à-dire, à mon sens... Une culture peut-être plus politique, plus savoir, sensible à savoir des causes autres. Ouais. C'est-à-dire, un surf culture, un surfeur qui se doit, il connaît l'histoire du surf. Il sait ce que c'est le Enalu, il sait ce que c'est un Alaya ou un Paipo, il sait qui est Duke. Donc, c'est un savoir de cette histoire authentique qu'est le surf, et aussi tout ce que la culture s'en charge, c'est-à-dire celle d'un argot. Il y a un argot au surf, on va dire... Je vais prendre une droite, je vais prendre une gauche. Ça veut pas dire grand chose pour pas mal de gens. Qu'est-ce que ça veut dire prendre une droite, prendre une gauche? C'est la direction que prend une vague dans sa déferlante. Est-ce que le cœur de la vague part de la gauche vers la droite ou de la gauche vers la droite vers la gauche. Merci. Donc ça va être ça. Ou par exemple, si on dit qu'aujourd'hui il y a une période de 20 secondes, ce qui est exceptionnel, ça parle pas à beaucoup de gens. Et si ça vous parle, à mon sens, vous avez une réelle culture surf, c'est-à-dire un savoir de ce qu'est les mécaniques océanes, de ce que ça veut dire d'être dans le mouvement, de ce que veut dire aussi par exemple The Endless Summer ou John Severson, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ont contribué à faire du surf une culture à part entière avec son argot, sa mode, également son industrie. Hein, on va avoir des industries comme Tom Morey avec son boogie board, même si ça a largement démocratisé le sport. Tom Morey est une figure incontournable de la surf culture. Donc voilà, à mon sens, il y a cette distinction entre ces trois types de culture, beach culture, pop culture et surf culture, qui permet d'éviter l'amalgame. La dernière, surf culture étant visiblement liée à votre passion que vous partagez merveilleusement bien, Jérémy Lemarié, que vous partagez tout aussi bien Alain Gardinier. Merci beaucoup, beaucoup à tous les deux d'être venus nous raconter cette histoire du surf. Alain Gardinier, je vous souhaite de retrouver les vagues là où vous êtes. Et pour sortir de cette vague, on se quitte comme chaque jour en musique avec Surf Rider par The Lively Ones. Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Tom Umdenstock, Antonin Amberger, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique aujourd'hui Ludovic Auger. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Je vous invite aussi à réécouter la série musicale que consacrait Vincent Lemaire cet été aux Beach Boys. Et demain dans Eureka, nous surferons encore, mais cette fois en réseau, puisque nous vous raconterons l'invention d'Internet. Et d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir. L'esprit d'ouverture.